Bonjour et bienvenue dans les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice et ceci est la deuxième partie de l'interview avec Irène. Bonjour Irène. Salut Béatrice. Alors, on a terminé la première partie sur la vulgarisation, parce qu'en effet, tu fais de la vulgarisation, notamment avec nous, à Je Sens donc Je Suis. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a guidée vers la vulgarisation? Je pense que principalement, c'est une envie de partager au grand public ce que je faisais, ce qui se fait dans les labos. Parce que mine de rien, bosser dans la recherche publique, c'est techniquement un service public, et donc c'est logique de rendre au public ce qu'on a reçu. Donc je pense qu'il y a ça en premier lieu, il y a le côté décloisonner la recherche qui me plaisait pas mal, et puis accessoirement, ça me faisait une occupation à côté de la thèse, ce qui est fortement recommandé pour avoir un déroulement de thèse sain et équilibré, on va dire, d'avoir des hobbies à côté de la thèse. Et j'ai vu que depuis le lycée, tu as été dans beaucoup d'assos assez différents. Tu as fait du théâtre, de l'aviron, de la danse. Et du coup, maintenant, tu t'es plus orientée vers de la vulgarisation. Et j'ai aussi vu que tu avais fait un service civique. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est le service civique? Qu'est-ce que tu as fait? Et si j'ai bien compris, tu l'as fait pendant une année de césure? Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait effectivement un service civique. Le service civique, c'est une petite mission de volontariat, qui est pas bénévole, hein, qui où on reçoit une petite compensation de l'État, qui s'effectue auprès d'un organisme d'intérêt public. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais envie de faire une pause dans mes études, de tenter autre chose, et j'avais envie de me rendre utile d'une manière un peu plus directe que via les sciences. Enfin, parce qu'en général, quand je dis j'avais envie de me rendre utile, on me dit mais oui, mais la recherche c'est utile, et faire des biotechnologies, c'est utile. Oui, ok, mais c'est pas quelque chose dont on voit le résultat directement, et je voulais faire un truc où il y avait ce côté gratifiant de je vois le résultat tout de suite. Donc j'ai bossé dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, avec des personnes en situation de déficience mentale, donc des résidents qui vivaient dans ce foyer. Ce qui m'a donné l'occasion de découvrir que, bah, grosso modo, les personnes dans ces situations-là, on les enferme dans des périphéries, dans des endroits un peu loin du monde. Enfin, moi j'étais dans un village au milieu de nulle part, et c'était vraiment, c'est vraiment le truc le plus paumé dans lequel je suis jamais allée, et bah t'as des tas de gens qui mettent des membres de leur famille là-bas, quoi, donc je trouve ça d'une part assez choquant, et en plus c'est des gens qui... Enfin moi ça m'a pas mal questionné de travailler là-bas, parce que c'est des gens qui sont potentiellement dangereux pour eux-mêmes, et encore pas tous, qui peuvent être dangereux pour les autres, mais c'est très rare. Enfin, sur les 18 résidents qu'on avait, on en a eu une fois qui a fait un truc violent. Enfin, c'est vraiment hyper rare, en fait. Et grosso modo, en fait, je trouve ça, à ce mode de fonctionnement qui m'apparaissait normal quand j'ai postulé pour travailler là-bas, au bout d'un moment, ça m'a paru choquant d'enfermer des gens qui sont pas dangereux pour les autres, ou alors très peu, quoi. Donc ça m'a pas mal questionné sur la moralité de ces choses-là, qui sont tout à fait normales dans la société dans laquelle on est, et donc du coup, bah, le côté « je suis utile à tout le monde », je pense que je l'ai un peu perdu en cours de route, à la fin, ça me... Enfin... J'allais dire, ça m'épanouissait plus du tout, mais c'est pas un boulot qui est censé épanouir non plus, quoi, j'y suis pas allée pour avoir une leçon de vie ou quoi que ce soit, enfin, donc voilà, mais non seulement, on peut avoir des boulots qui sont pas épanouissants, mais ça nous gêne pas de les faire. Moi, au bout d'un moment, j'étais même plus en accord avec ce que je faisais. Donc, c'était vraiment... c'était fatigant, quoi. C'était assez difficile. Mais, donc, voilà. Pas une très bonne expérience, le service civique. Ah, et accessoirement, je bossais à temps plein en étant rémunéré 550 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est un espèce de trou dans le droit du travail, d'exception au droit du travail en France, qui est, je pense, assez scandaleuse. Oui, j'allais justement te poser la question par rapport à tes principes dans ton travail. Comment est-ce que tu arrives à accorder ou à trouver des missions, du volontariat, du bénévolat ou même tout le travail que tu fais en général? Comment est-ce que tu arrives à trouver des projets qui soient en accord avec tes principes? Bah, je pense que l'exemple d'avant montre bien que je n'y arrive pas. que c'est pas forcément évident, parce que quelque chose dont on croit que c'est en accord avec ses principes, aider les personnes handicapées, tout ça, en fait, ça se révèle être contribuer à un système assez horrible. Après, typiquement, ma thèse, si j'étais vraiment pas d'accord avec ce que je faisais dans le fond, j'aurais arrêté depuis longtemps. Ça fait 2 ans que je me suis en thèse, donc longtemps est un mot tout relatif, mais t'as l'idée. Par contre, la thèse que je fais, elle n'a pas des applications pour la santé, elle n'a pas des applications hyper utiles pour la vie des gens, même si là, on peut jamais savoir ce qui va être utile en recherche, etc. Mais grosso modo, j'avais l'impression de faire un travail qui n'était pas forcément impactant, et qui l'est d'autant moins que tu te dis, bon, bah, il faudra peut-être 20 ans pour que ça ait vraiment une application utile, et d'ici là, on sera tous foutus à cause du réchauffement climatique. Je caricature, mais globalement, c'était ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fini par faire un petit peu la paix avec l'idée que j'aimais faire des trucs, en l'occurrence ma thèse, et les activités que je peux faire à côté, etc. Et que bah, ces trucs que j'aimais faire, ils n'étaient pas forcément utiles à la société, et que bah, c'était comme ça, et que on pouvait peut-être pas tous avoir des boulots qui soient directement utiles pour tout le monde. C'est horrible, mais enfin j'aime faire ma thèse, et à un moment j'ai réussi à faire la paix entre le fait que je voulais avoir un boulot utile et le fait que j'avais présentément un boulot que j'aimais, quoi. Après, on peut se poser la question avec tout, hein, la vulgarisation scientifique. Régulièrement, on a des débats qui pop, genre, est-ce qu'on fait de la vulgarisation auprès des bonnes personnes? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui retiennent quelque chose des vidéos de vulgarisation de vidéastes célèbres? Ou est-ce que la vulgarisation, c'est bourgeois? Quelle est la différence entre communication et vulgarisation? Enfin bref, plein de débats dans la vulgarisation scientifique sur est-ce que c'est vraiment utile, ou est-ce que c'est... j'ai passé un truc il y a pas longtemps, genre... Est-ce que c'est juste une espèce de nouvelle culture légitime que seules les personnes déjà favorisées peuvent acquérir et qu'elles utilisent comme un marqueur culturel Donc, même dans la vulgarisation, on se dit « Ouais, c'est super, on partage de la science à tout le monde, il y a tout le temps des débats comme ça. » À un moment, je me mets juste... Je me mets juste en paix avec le fait que j'aime écrire des articles sur des sujets scientifiques et parler de sujets scientifiques dans un podcast ou quoi que ce soit. Et que peut-être que ça va pas au bon public, mais voilà, je pense pas non plus de faire des activités qui nuisent particulièrement à la planète, à autrui, etc. Donc à partir du moment où ça nuit pas, et que j'aime ça, tant pis si c'est pas non plus super utile, quoi. Voilà. On a eu un peu ce débat hier pendant une formation que certaines personnes de Je suis un homme, je suis ont suivi, par rapport à l'utilité et les objectifs de la vulgarisation. Donc c'est quelque chose qui résonne pas mal. Je voulais te demander, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de vulgariser, justement? Comme je le disais dans la réponse d'avant, c'est important pour moi parce que j'aime bien faire ça. Et que... Enfin, c'est ce que j'ai dit un peu à l'épisode, enfin, dans la première partie, j'ai dit, oui, ça décloisonne ce qui se passe dans les labos, et c'est une occasion de parler de science, etc. Je le pense toujours, hein, y a pas de soucis, typiquement des initiatives comme la bio au labo, ou... J'ai oublié, en direct du labo, pardon. Pour le coup, c'est vraiment, on va dans le labo avec le chercheur qui prend des photos de son labo, qui fait des tweets dessus, ou des posts Instagram, etc., etc. Ça humanise un peu le chercheur. Après, ça va pas... Enfin, je pense que la bio au labo, un tiers des gens abonnés sont eux-mêmes dans le monde de la vulgarisation ou de la recherche, facilement. Donc, encore une fois, est-ce que ça touche son public? Bref, je ne dis pas ça pour taper sur la bio au labo, encore une fois, moi je trouve ça trop bien et tout. Du coup, bah oui, moi si c'est, je fais ça parce que ça me fait du bien, ça me fait une activité que j'aime bien à côté de ma thèse, en fait. Le jour où j'aimerais plus faire ça, j'en ferais plus, et tant pis s'il y a des gens qui... Comme tant pis si ça fait un contenu en moins, on va dire. Mine de rien, je pense que ça a une utilité, et que même si ça touche pas tout le monde, que ça touche pas forcément les personnes qui en ont le plus besoin, même si c'est un marqueur social, bon bah ça fait quand même un peu de contenu qui... Si quelqu'un le lit, va être peut-être apprécié, en tout cas, je sais pas. On va dire ça, c'est le deuxième aspect, c'est que, effectivement, c'est toujours utile. Mais donc la raison pour laquelle j'en fais maintenant n'est pas tout à fait la même que la raison pour laquelle j'ai commencé à en faire, avec cette idée de, ouais, c'est super utile, il faut qu'on parle des sciences plus. Bon, maintenant, je suis contente de parler de sciences, je sais pas si c'est... comme je le disais, je sais pas si c'est utile, donc tant pis. Après, ça fait toujours hyper plaisir de parler d'un truc dont on est passionné. On est toujours plus enjoué et plus excité de parler de quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse. Et du coup, c'est aussi plus facile d'intéresser les autres, parce que s'ils voient que c'est quelque chose, enfin, si les personnes qui nous écoutent ou qui nous lisent voient que c'est quelque chose qui nous passionne, ils peuvent y voir aussi un intérêt. Complètement d'accord. Enfin, les doctorants, on est assez réputés pour être capables de parler de notre thèse au quart de tour pendant une heure à des inconnus. Donc, oui, il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi, j'ai oublié de le dire dans la réponse précédente, mais il y a aussi un aspect qui est, il y a des sujets qui m'intéressent. J'y connais rien, je suis pas spécialiste, mais en faisant un contenu de vulgarisation dessus, ça me force à apprendre dessus. Et donc, on retombe un peu sur l'argument de parce que j'aime bien faire ça, mais voilà, ça fait partie des motivations, c'est que je vulgarise pas toujours sur des sujets dont je suis spécialiste, mais ça me permet aussi de m'ouvrir sur des trucs que je connais pas forcément très bien. Oui, encore hier, on parlait de l'émerveillement, la découverte et l'excitation qu'on a quand on apprend quelque chose, quand on comprend quelque chose. Après, toute la phase justement d'apprentissage et de compréhension que nous, on apprend et on comprend, mais du coup, on peut aussi apprendre et enseigner aux autres, qui, encore une fois, reste quelque chose de très plaisant et très satisfaisant. Et après, tout l'impact que ça a dans la société, dans les avancées scientifiques que ça a en conséquence. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Ça m'a fait plaisir d'être de l'autre côté du micro pour une fois. J'espère que les auditeurs et les auditrices apprécieront cet épisode. Est-ce que tu as des conseils pour terminer cette seconde partie ? Conseil lecture. J'ai vraiment pas d'idée, à part de dire de lire Les Rois Maudits, puisque c'est très daté, mais c'est un vrai page-turner. Et sinon, conseil pour les étudiants, faites des trucs que vous aimez, que ce soit dans vos études ou à côté, en essayant de faire en sorte que ça vous rapporte des sous, parce que manger, c'est bien. Et se poser des questions sur l'utilité, c'est bien, faut juste pas que ça... En tout cas, moi, les études que j'ai faites, j'ai l'impression que tout le monde autour de moi se posait un peu cette question. Et je pense que c'est important de se la poser. Je pense que c'est aussi important de ne pas se prendre la tête et de... Si on trouve quelque chose qu'on aime et qui détruit pas les gens autour de nous, qui détruit pas la planète, et ben on s'en accommode et voilà. Et juste pour revenir sur le livre, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Quoi, Les Rois Maudits ? Ouais. C'est un vieux bouquin, c'est pour ça que je dis c'est daté. En plus, c'était écrit par un mec qui était ministre de Gaulle, donc t'imagines le côté daté, qui était académicien. Je pense que je rajoute une couche de daté à chaque mot que je dis. Mais non, c'est... Pourquoi je dis ça ? C'est un page-turner, parce que ouais, c'est vraiment un truc où il y a assez de suspense, ce qui est très con, hein, parce que ça raconte la vie des rois de France dans je sais plus quel siècle. 13e, 14e, j'espère qu'il n'y a pas de médiévistes qui écoutent. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Bref, les fameux rois maudits, du coup. Et c'est Game of Thrones, mais version histoire de France, quoi. Donc, mais quand je dis c'est Game of Thrones, c'est vraiment une série de bouquins qui a inspiré l'auteur de Game of Thrones. Et c'est plaisant à lire, même si le côté daté, genre extrêmement misogyne, homophobe, bon. Voilà, il faut composer avec, on va dire. Mais c'est plein de suspense. Ok, bah, trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Irène d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous pouvez la retrouver sur Twitter. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram ou à nous envoyer un email. Nos coordonnées sont dans la description de cet épisode. Bientôt!